un seul cœur. Sache qu'il vivait simplement comme un mort en sursis. Il voyageait par la simple volonté de l'esprit. Il naviguait, laissait couler le fleuve de la vie, transmettait ses acquis. Sache qu'il vivait simplement comme un mort en sursis. Il voyageait par la simple volonté de l'esprit. Il naviguait, laissait couler le fleuve de la vie, transmettait ses acquis. Oui, il fait partie de ceux qui donnent ce qu'ils ont fait de mieux. Il n'agite pas de banderole, mais apaise par ses paroles. Si tu crois avoir trop peu, lui guérit nom de malchanceux. Il t'accueillera, mais si tu aimes le luxueux, si son moi est trop ringard, si pour toi il est pas standard, inspire-toi de nouvelles histoires. Si son moi est trop ringard, si pour toi il est pas standard, tente un autre regard. Sache qu'il vivait simplement comme un mort en sursis. Il voyageait par la simple volonté de l'esprit. Il naviguait, laissait couler le fleuve de la vie, transmettait ses acquis. Sache qu'il vivait simplement comme un mort en sursis. Il voyageait par la simple volonté de l'esprit. Il naviguait, laissait couler le fleuve de la vie, transmettait ses acquis. Non, il n'a jamais appris de sa vie la philosophie. Sans écrire de bouquin, c'est un sage aujourd'hui. On dit que certains silences envahissent. Parfois, c'est mieux que de longs discours. Nous, on se plaint, on a peur, on appréhende pour demain. Lui fait le bien autour de lui, c'est tendre la main. C'est tendre la main. Sache qu'il vivait simplement comme un mort en sursis. Il voyageait par la simple volonté de l'esprit. Il naviguait, laissait couler le fleuve de la vie, transmettait ses acquis. Sache qu'il vivait simplement comme un mort en sursis. Il voyageait par la simple volonté de l'esprit. Il naviguait, laissait couler le fleuve de la vie, transmettait ses acquis. Mais il donne l'exemple sans morale nous étonne. N'appuie pas où ça fait mal, il fredonne. De petits airs où règne le calme. Well, il donne crédit à celui que tous traitent d'animal. Pour lui, la réussite n'est pas question de devise. Son être est sa plus grosse mise. Éducation jeunesse supérieure à tout le bise. Il sait qu'il emmènera seulement ses souvenirs. Sache qu'il vivait simplement comme un mort en sursis. Il voyageait par la simple volonté de l'esprit. Il naviguait, laissait couler le fleuve de la vie, transmettait ses acquis. Sache qu'il vivait simplement comme un mort en sursis. Il voyageait par la simple volonté de l'esprit. Il naviguait, laissait couler le fleuve de la vie, transmettait ses acquis. Sache qu'il vivait. Voyager.